qui se posent pas, celles qu'il faut se poser et celles qu'il faut pas. Il y en a un peu trop possessif et l'autre carrément pas expressif. Le premier est maladif et l'autre y a pas d'adjectif. Toujours à se prendre la tête, on peut pas faire de fête. Les pauvres, s'ils savaient tout, ils en deviendraient fous. Ça veut dire ciao la liberté et merde. Fais chier, on a déjà tout essayé. C'est comme à la télé, même rengaine tous les jours. Y'a de quoi se foutre la tête dans le four. On voulait les traiter de cons, et puis finalement on s'est dit que non. Mais on les aime quand même si dans leur tête ça sent mal. Ça sent mal, ça sent mal. Ils pourront dire qu'il y a des nœuds qui se défont et d'autres qui se défont pas. On a beau leur expliquer, ça rentre toujours pas. Les motifs, ils tombent par terre, les possessifs, ils se vénèrent. Ça se finit en engueulade, mais au final, c'est pas trop grave, pas trop grave. Parce qu'on les aime quand même si dans leur tête ça s'en mêle, ça s'en mêle. Et au final, ça s'en mêle, ça s'en mêle. C'est des putains de nœuds quand même. L'ironie du sort, l'ironie du sort, l'ironie du sort, l'ironie du sort. Le deuxième, c'est le pacifiste. Le premier, c'est l'hystérique. Avec ça, on n'est pas sorti. Il va falloir qu'on le ça s'en mêle, ça s'en mêle, ça s'en mêle.